Tu t'ennuies toute seule à la maison en écoutant Révolution puis en te disant sans arrêt « Je serai jamais capable de danser comme ça ». Fais le premier pas. Inscris-toi à un cours de swing. Tempo Swing t'offre des cours de Lindy Hop, de Charleston, de Balboa, de Jive, d'acrobatie et bien d'autres. Pas besoin de partenaire. Le swing, c'est plus qu'une danse. C'est une grande famille. Viens danser avec nous. Les inscriptions sont ouvertes. Temposwing.com. Bonsoir, bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Et puis là, c'est le cas de le dire, installez-vous confortablement. Moi, je reviens d'une marche avec mes chiennes et j'ai trouvé le temps long, je vous avoue. J'avais hâte de rentrer chez nous, mais eux, je veux dire, neige, pluie ou peu importe, moins 30, c'est pas grave, à chaque soir, faut sortir. Donc, j'ai fait ma BA. Et mes chiennes sont bien heureuses, puis moi, j'étais bien heureux de réintégrer la maison et la voiture. Et nous me voici pour Terra Incognita avec Bruno ce soir. De bonnes heures de prog, comme d'habitude. Vous le savez. Donc, on va commencer avec quelque chose de récent. Frank Wyatt and Friends. C'est un musicien qui a fait partie d'un groupe américain dans les années 70, Happy the Man. Je pense que ça va peut-être dire quelque chose à plusieurs, Happy the Man. Donc, il y a eu l'idée de réunir And Friends, c'est beaucoup de ses amis de Happy the Man, dont Kit Watkins d'ailleurs, et un nouvel album qui a pour titre Zeitgeist. C'est ce qu'on écoute à l'instant, un premier extrait de cet album. We'll be right back. pictures of our own making simply multiply. Sometimes it seems beyond us. We keep on asking why. You know there is no answer here. Those cool bright stairs, it's just a sign of the times. Go out, you're dark and CKRL. Slam Disc célèbre avec Groovy Hard Rock le 25e anniversaire de Eater's Digest. Après la réédition de Vacuum, Eater's Digest reçoit le même traitement dans un kit double vinyle disponible dès le 29 novembre partout en magasin et en ligne. Commande ton kit Groovy Hard Rock Eater's Digest 25e anniversaire maintenant sur bandpromo.co. Prendre un métro vide, ça commence toujours bien la journée. Et faire le vide, ça fait tout le temps plaisir. Mais avoir le ventre vide, ça, c'est moins drôle. Chaque année, la moitié des comptoirs d'aide alimentaire manquent de denrées. Textez « remplir » au 20222 pour faire un don de 10$ à la Guignolée des médias ou directement chez Provigo, Maxi, Jean Coutu et Via Capital. Restez les bras entre nous, nous en ferons un brasier. C'est notre tour de briller, non, ça ne va pas changer. Les Sœurs Boulay prennent la route du Québec pour présenter leur tout nouveau spectacle. Venez y découvrir les chansons de leur plus récent album intitulé « La mort des étoiles ». À trop boire, à la source des faiseurs d'histoire, dans la course à la meilleure tempête. Pour plus de détails sur la tournée, visitez lessœursboulay.ca. L'album « La mort des étoiles » est disponible partout. Terre incognita de retour. Ce que joué pour conclure notre premier bloc, c'était une formation british et ça a paru sur une maison de disques norvégienne, Guranfo. Et je ne suis pas sûr de la prononciation, là, mais ça doit ressembler à ça. Là, le groupe Guran, c'est Guranfoe. Je pense qu'il y a quelque chose avec le Foe. Qui fait que j'aurais dû le prononcer autrement, mais enfin, là, vous l'avez par écrit. De l'album Some of Erda, et c'est tout nouveau, ça vient de sortir vraiment excellent d'un bout à l'autre, cet album-là. Une belle surprise. J'espère que ça ne passera pas comme inaperçu, parce que cette maison de disques-là n'a peut-être pas le rayonnement d'une maison comme Inside Out. Mais bon, enfin, leur production est vraiment... sont toujours de haut niveau. Et je parlais de Charisma pour ne pas... Oh non, c'est pas Charisma, ça, c'est Apollon. Excusez, Apollon Record. Tout juste avant, on avait Anecdoton From Within. Et je pense que ça vaut la peine de le souligner. Anecdoton va nous visiter le 15 et le 16 mai prochain au Centre d'art La Chapelle. Deux soirs. Un premier soir, ça va être un concert hommage, mais je sais pas, il y a beaucoup de groupes qui font ça maintenant. Là. C'est pour souligner le 25e anniversaire de la parution de l'album Nucleus. Donc, interprétation complète de Nucleus, plus des pièces de Vemod pour compléter la soirée. Je pense que personne ne va se plaindre de ça. Et le lendemain, ben, c'est un show plus tour d'horizon de tout leur album. Donc, deux soirs avec Anecdoton. Je pense que, sauf erreur, c'est la première fois que le groupe présente un concert comme ça, présenter un album intégral. Yann-Éric m'a dit que ça faisait un petit bout de temps qu'il voulait le faire. On va être les premiers à avoir ce traitement royal. Donc, deux concerts de Anecdoton, 15 et 16 mai, au Centre d'art La Chapelle, dans le cadre du festival Terra Incognita. Et avant, ben, on avait Head with Wings, qui, eux, vont se retrouver le dimanche soir, en ouverture. Ben, c'est pas le soir, tout à fait, mais bon. Donc, Head with Wings, qui va donner le coup d'envoi là, tout juste après His Project, qui présente un petit concert acoustique d'une vingtaine de minutes. Donc, première visite au Canada pour Head with Wings aussi. Et je pense qu'il va y avoir un nouvel album sur le point de ou pas loin. Et on aura l'occasion de vous en reparler. On avait commencé avec Frank Wyatt and Friends de l'album Zeitgeist. Bon, pour sa musique. Cette fois-ci, on s'en va faire un petit tour du côté de l'Italie avec un groupe que j'ai découvert récemment et qui ont pourtant trois albums. C'est rare qu'un groupe italien passe sous le radar comme ça pour moi. Et pourtant, c'est le cas de Falena qui nous arrive avec un troisième album qui a pour titre Una Segunda Strana Sensazione. On écoute un premier extrait de cet album. Soltanto ora Thank you. CKRL. La tournée de la veillée des fêtes de karaté est de retour. Invité les 7 décembre, Saint-Jean-de-Port-Joli. 12 décembre, Almour. 13 décembre, les Escoumins. 14 décembre, Jonquière. 20 décembre, Frérichburg. 21 décembre, Carbonne. 27 décembre, Québec. 28 décembre, Masquinongé. 30 décembre, Saint-Casimir. Les deux albums de karaté sont disponibles maintenant en magasin et en ligne. La salle de spectacle Le Dauteuil célèbre son premier anniversaire sur Saint-Joseph. Pour l'occasion, Le Dauteuil présente un week-end de festivités. Samedi le 14 décembre, spectacle gratuit du groupe Our Home in Space, suivi d'un open jam ouvert à tous avec instruments disponibles sur place. Dimanche le 15, c'est le groupe Lane qui ouvre la soirée, suivi aussi d'un open jam en collaboration avec le Gin Supersonic. Tu t'ennuies toute seule à la maison en écoutant Révolution puis en te disant sans arrêt « Je serai jamais capable de danser comme ça ». Fais le premier pas. Inscris-toi à un cours de swing. Tempo Swing t'offre des cours de Lindy Hop, de Charleston, de Balboa, de Jive, d'acrobatie et bien d'autres. Pas besoin de partenaire. Le swing, c'est plus qu'une danse. C'est une grande famille. Viens danser avec nous. Les inscriptions sont ouvertes. Temposwing.com. Terra Incognita, oui, de retour. Bon, ben écoutez, on va jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur et oui, monsieur, ce qui a conclu le bloc précédent, c'était probablement ma formation british préférée, Sanguine Hum, de l'album Now We Have Power, c'est leur plus récent. Tout juste avant, des jeunes Suédois, ben enfin, ils sont peut-être plus jeunes, mais ça, c'est quand même relativement une nouvelle génération de... Le groupe s'appelle Iden Lands. C'est leur deuxième album, sauf erreur, celui-ci. Et j'ose à peine prononcer le titre. Bruno rigole déjà. Écoutez, je vais vous l'appeler parce que là, je le sais que ça ne sert à rien, c'est Mission Impossible. C'est L-Y-C-K-S-A-L-I-G-H-T-H-G-H-E-T-E-N-S. Et vous rajoutez un haut tréma après. Donc, vous comprenez que j'ai pas voulu me lancer dans l'aventure. Et on avait aussi Falena d'Italie, Una Seconda Strana Sensazione, troisième album de ce groupe que je viens tout juste de découvrir malgré le fait qu'il y en avait deux autres avant. Et ça m'épate moi-même. Et puis, ben, je pense qu'on avait donné le coup d'envoi avec ça. Hey Bruno, je pense qu'on t'a entendu rire là. Oh, ça y est, on a réussi à avoir quelque chose. Ben, écoute, donc, ouais, bon, je vous promets, mais oui, c'est ça. À un moment donné, je vais finir par le faire parler. On poursuit en musique, c'est du côté, cette fois-ci, du Québec. Oui, une formation qui a pour nom Ex Libris. L'album a pour titre Ulysse. Et c'est paru en 2019, mais ça sent les années 70 à plein, je vous laisse en juger. Le temps de vous rappeler que vous êtes toujours à Terra Incognita, et évidemment, sur les ondes de CKRL 89.1. À l'intérieur de moi,

sta sparendo tutto quello che rimane è il gioco della morte. Tutto quanto è stato scritto, tutto quanto è stato detto ed io ho perso la tua luce. Strati di fuoco mi accecano il cuore, ti vedo svanire, mi sento cambiare. La mia giusta prospettiva è un deserto senza nome, la mia nuova vita attende il suo tempo per fiorire. We'll be right back.

pretending. Is it real or just a dream? Just a dream. Red trees are waving in a tangled labyrinth. It's so amazing as the place where I have been. I feel so crazy and fulfilled. Where the shadow enemies. It's no use shouting at your dreams. At your wicked dreams. Check your appearance on the photos of your life. Look in the mirror of your mind.